Ah. Claudine pleure plus, maman ne pleure plus. Stéphane, François, pleurez plus. Tous les autres restent au pays, pleurez plus, le combat continue. La mort, c'est la mort, tous les grains périssent, tous les grains pourrissent. Mais y'en a qui germent, t'en feras partie. T'inquiète pas, Freddy, tout petit, non, car grande était tes envies. Ce monde voulait qu'on subisse galère, honte, expulsion, séparation. La mère d'un côté, le frère d'un côté, et l'autre frère de l'autre côté. La sœur d'un côté, toi d'un côté, et moi cherchant de côté. De mon côté, c'était le fossé. J'ai cherché l'or, poussé les murs, mais comme à l'école, j'avais rien foutu. Comment faire pour des mères qui a donné tant d'amour? Lâche ma lame, pour toi j'suis die. On dira Dieu, j'suis sad, moi j'ai beaucoup de larmes. Tu seras marqué sur ma peau, Freddy K. Tu seras en vie dans mes pensées jusqu'à ma mort. Ton négro. Hommage aux potes de longue date, l'adolescence est finie. Pourtant même si on ne se voit plus, ils font partie de ma vie. On devient tous des adultes, mais quand j'y repense, je ris toutes ces nuits passées en studio à raconter des conneries. Freddy K, Freddy K, réponds-moi, t'es où, t'es où? Pourquoi tu me laisses parler tout seul comme un fou? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, essuie le sang de mes yeux, j'ai pas envie de croire à tout ce qu'ils disent. FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi. On n'était pas très proches, mais ce truc heurte mon âme. J'étais dans les bras d'une femme quand j'ai appris le drame. De retour à Stalingrad, vois qu'est-ce d'autre tenir ses larmes. Tu sais que ton frère est le mien, que dire, perdre ton âme. Regarde, pour toi y'a tant de peur. J'aurais aimé qu'on se réunisse pour qu'on parte en club. Et non pas en port dans le deuil d'un frérot qui nous manquait, qui est la preuve. Les meilleurs partent en preuve. À la vie, à la mort, à tes cas dans le cœur. Hommage à Freddy K, il est parti avant l'heure. MC passionné, le son, bien plus qu'un hobby, mais aussi frère et fils, donc à la douleur je m'associe. On ne s'est pas revu depuis combien de temps? Bien trop longtemps. Aujourd'hui tu nous manques. Je dis de la tristesse dans les yeux des potos, mais maintenant je croise ton regard que sur photo. FK pour toi, FK pour toi.